Chapitre 4. Une torpille géante. Après un court silence, le président, penché sur Mr. Cromer, lui dit: Mr. Cromer, je désirerais savoir exactement si l'opinion que vous venez d'émettre relativement à l'invention intéressante, en tout état de cause, de Théodore Fulbert est le résultat direct des expériences qui ont été faites sous vos yeux. Résultat direct. Et Fulbert n'a pas exagéré l'incroyable puissance de son engin. Non, pas exagéré. Voilà qui est tout à fait affirmatif, Mr. Cromer. Nous envisagerons toute la vérité avec courage. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé, en ce qui vous concerne, à une conclusion aussi nette et aussi redoutable? Il y a des choses que je peux dire sur cette machinerie et des choses que je ne peux pas dire. Non. Ne doute donc tout ce que vous pouvez dire, Mr. Cromer. All right. Je vais d'abord dire que j'ai reçu Théodore Fulbert avec les respects que l'on doit à une vieille savante malheureuse et qui s'est si fort distinguée dans la partie médicinale de radium. Et tout de suite, quand il m'a dit qu'il avait inventé une machine pour détruire Berlin, je lui ai dit alors que cela n'était pas dans sa manière médicinale. Et il m'a répondu que cela était dans sa manière médicinale, parce que son machinery, en détruisant Berlin, allait trouver la guerre. Malgré la difficulté que Mr. Cromer avait à s'exprimer, et l'effort que ses auditeurs devaient soutenir pour le suivre dans sa narration, l'intérêt de celle-ci était tel qu'il n'y eut de place ni pour une interruption, ni pour un sourire. Mr. Cromer raconta que Fulbert était venu le trouver avec ses plans. Après 2 jours d'explication, Cromer était convaincu. Il n'était point cependant en possession du secret final qui assurait le fonctionnement mathématique du formidable appareil, mais Fulbert n'avait pas hésité à confier à un allié de la valeur scientifique et morale de Mr. Cromer le principal du secret de l'explosif nouveau dont était chargée la torpille et qui en servait également à sa propulsion. Enfin, la nouveauté de la disposition des turbines, des hélices de suspension et des hélices de direction, et d'un certain gouvernail compensé spécial à aileron, lequel gouvernail avait pour fonction de ramener l'engin automatiquement dans la ligne tracée idéalement entre le point de départ et le point d'arrivée, et cela en dépit de toutes les perturbations possibles de l'atmosphère, tous ces détails techniques avaient amplement prouvé dès l'abord à Mr. Cromer qu'il se trouvait en face d'une œuvre longuement mûrie par un homme auquel n'était étranger aucun des problèmes de l'aviation nouvelle et de la balistique. Mr. Cromer avait donc été tout de suite extrêmement séduit par la terrible Titania, dont nul n'avait voulu entendre parler en France. Et ici, Mr. Cromer jugea nécessaire de s'expliquer entièrement sur les intentions qui furent alors les siennes. Je dois dire que, tout de suite à vos excellences et à vous, messieurs, je dois dire que jamais dans mon pensée je ne voulais détruire Berlin, car nous ne sommes pas des sauvages. Mais dans mon pensée, je voulais me rendre compte si, à la place de cette machinerie qui devait coûter au petit mot 60 millions, on ne pourrait pas faire de petits titania moins chers et tout à fait bien réglé pour détruire des citadelles, des forts, à des distances colossales, et d'une façon assurée, et sans risquer rien du tout, pas même la peau d'un tamé. Seulement, je ne dis pas mon intention à Fulbert, qui tenait absolument à détruire Berlin pour l'épouvante de l'Allemagne et la fin de la guerre subite sur toute la terre. Dans la conversation, Théodore, il a été tout à fait enragé sur son fabrication d'une Titanic des 60 millions de francs. Mais vous pensez, ce n'était pas mon rêve du tout à moi. Non, et je lui dis qu'il fallait d'abord, avant tout, fabriquer une petite modèle de petite Titania de 25 mètres de long. Et je lui demandais combien cela serait cher. Il m'a répondu qu'il pensait cela serait cher de au moins 5 millions de francs. J'ai parlé alors de la chose à mon institut dans le conseil privé. Malgré tout ce que j'ai pu dire, on disait c'était cher pour une chose problématique. Alors je suis allé à Londres et j'ai ramené un patriote anglais, très richissime, qui ne veut pas dire son nom et qui lui aussi a été très intéressé. Et il a dit il donnerait tout argent et il faudrait. Fulbert ne voulait aucun argent pour lui ni pour son familier, mais il pleurait de joie avec idée et il était allant travailler pour Petite Titania en attendant les grandes. Sur quoi, Macromer raconta comment, en 3 mois, morceau par morceau, la Petite Titania fut construite dans des ateliers différents et comment les morceaux en furent finalement réunis pour le montage dans une installation secrète édifiée ad hoc à l'extrémité nord de l'île de Man, en pleine mer d'Irlande, sur des terres appartenant au richissime anglais patriote. Là travaillait une équipe spéciale de l'Institut de Scarborough sous la direction de Fulbert et sous la surveillance de Cromer. L'inventeur avait fait venir sa femme et sa fille Nicole, plus le fiancé de sa fille, un Polonais qui partageait les travaux du père depuis 5 ans et qui, dans l'affaire, était chargé, plus particulièrement, de la fabrication d'explosifs. Voilà ce que j'ai pu dire à vos polets explosifs, précisa Cromer. C'est un explosif à air liquide, admirable pour les explosions et pour les propulsions. Il donna quelques détails pleins de réticence. Il trouvait certainement qu'il y avait autour de lui trop d'oreilles inconnues. Plusieurs fois, il jeta un coup d'œil avec méfiance sur le coin sombre où s'était enseveli Rouletabille. Il expliqua d'une façon assez embarrassée et peut-être volontairement confuse que la fabrication industrielle économique de l'air liquide permettait maintenant de prendre l'oxygène sous cette forme simple pour servir de comburant à des mélanges explosifs. Fulbert, lui, avait trouvé un procédé personnel lui permettant d'utiliser directement l'oxygène liquide dans ces conditions très spéciales et se rapprochant de la fabrication de l'oxylignite. On sait que l'on obtient l'oxylénite, breveté en Allemagne, dès 1898, en trempant pendant quelques minutes dans de l'air liquide une cartouche qui contient soit du charbon de bois ou du charbon de liège pulvérisé, soit de la terre fossile qui s'algure, imbibée de pétrole, soit même de la poudre noire. Fulbert, lui, ajoutait dans la cartouche qui devait tremper dans l'air liquide et qui contenait déjà du charbon de liège pulvérisé, un élément nouveau pour lequel il n'avait pas pris de brevet et dont il avait confié le secret à la bonne foi de Mr. Cromer. De tout cela, il résultait une puissance brisante, plus forte incomparablement que la mélinite ou le trinitrotoluène, mais surtout une puissance asphyxiante et brûlante, surprenante à concevoir sous un aussi petit volume. Le seul inconvénient du mélange était d'être extrêmement inflammable et de perdre une grande partie de sa puissance si un incident permettait à l'air liquide de s'évaporer. Or, rien n'était à craindre en ce genre avec la Titania dont le génie de Fulbert avait fait une merveille pour nous servir de l'expression enthousiaste de Mr. Cromer. « Là est la merveille des merveilles » s'exclamait-il. « Plus encore que dans les explosifs !» Indeed, et je vais dire tout de suite la grande merveille de la grande Titania. Vous savez de quelle manière le Zeppelin emporte son ventre des petites ballonnets. Eh bien, la grande Titania cache dans ses entrailles 40 petites Titania. Well, I say, 40 petites comme des petits torpilleurs. Et quand la grande Titania éclate à destination, les petites Titania emportés par des mouvements de l'horlogerie, réglés exactly, se dispersent autour du centre et vont éclater à leur tour sur des points fixés de la façon que tout le cercle des plusieurs lieues du diamètre soit couvert de ruines et de morts. Yes, tout plein de morts, I say. Mettez une ville dans les cercles et 1 million ou 2 des habitants dans la ville. Une heure après l'arrivée du Titania, il n'y a plus rien du tout. No! What admirable work! Un nouveau silence plus impressionnant encore que les autres suivit les dernières paroles de Mr. Cromer. Puis le bureau de tabac, qui avait laissé éteindre son cigare, ce qui témoignait de l'énormité de son émotion, demanda du feu, et quelques explications. Ah, je crois que, à mon avis, M. Crumb s'avance beaucoup, en concluant de la petite expérience qu'il a faite, à la pleine réussite d'une aussi vaste entreprise que celle de la Titania, rêvée par Fulbert, et dont la réalisation rencontrerait inévitablement des difficultés et peut-être des impossibilités. Non, votre excellence, non, pas d'impossibilité. Elle est très possible. Yes, I say. La petite Titania a été construite exactly comme devait l'être la grande dans son entaille des petites torpilles, chargée du explosif Fulbert et dirigée exactly par le vrai horlogerie Fulbert. Je pouvais dire ceci à vous. Le vent du Titania est divisé en trois parties. La plus grande, beaucoup, est pour enfermer les grandes torpilles chargées du explosif. La seconde partie est occupée par la propulsive chargement et la troisième par toute la machinerie qui est très compliquée et méthodique. Quant à la disposition des hélices des suspensions et turbines des propulsions, comprenez, tout est pour le mieux. Indeed. Mais le secret, exactly. Des impossibilités du changement de direction et parfaite automatique intelligence et engin pour revenir dans son droit chemin malgré la plus terrible ouragan et perturbation, cela je ne le dirai jamais parce que je ne le saurai peut-être jamais. Théodore Fulbert a emporté ce secret avec lui, hélas. What a pity! Le binocle d'éclat prit alors la parole. Mr. Cromer, j'ai fait connaître en quelques mots à ces messieurs des résultats extraordinaires de l'expérience qui s'est passée sous vos yeux, mais ils seraient heureux d'en entendre le détail de votre bouche. Mr. Cromer s'inclina et raconta alors que, lorsque la torpille avait été achevée dans l'atelier de l'île de Man, Fulbert et Delson Polonais avaient, à la dernière minute, introduit dans l'engin la boîte enfermant le mystérieux mécanisme qui s'adaptait au gouvernail compensateur à aileron. Puis le signal du départ de la torpille avait été donné par le bailleur de fonds même de cette coûteuse expérience. Ce richissime anglais s'était rendu acquéreur pour l'occasion d'une petite île située à environ 200 km au nord, nord-ouest de l'île de Man, à la hauteur du Cap Fer. La torpille, avant d'arriver à sa destination, qui était cette petite île-là, devait passer au-dessus de la presqu'île qui termine à l'ouest les Highlands du sud. L'amirauté avait été avertie et toutes les précautions avaient été prises sur mer comme sur terre. La petite île contenait un village et trois hameaux de pêcheurs qui avaient été évacués, cependant que l'on débarquait une cinquantaine de bêtes à cornes et 300 moutons. Aussitôt après le départ de la torpille qui quitta son tube sans autre bruit que celui d'un furieux sifflement, le Polonais, Mademoiselle Fulbert, Cromer, le riche anglais et un délégué du War Office, étaient montés en chaloupe automobile. Ils entendaient bientôt l'écho lointain de l'explosion qui avait dû être formidable. Quand, une heure et demie plus tard environ, ils arrivèrent en vue de l'île où avait eu lieu l'explosion, celle-ci n'était plus qu'un brasier. Ils durent attendre encore 2 heures avant de pouvoir l'aborder à cause des gaz asphyxiants dont les lourdes nuées les poursuivaient jusque sur les eaux. Enfin, quand ils mirent pied à terre, ils furent renseignés tout de suite sur la valeur du désastre. Il n'y avait plus rien, absolument plus rien, sur cette île encore si vivante quelques minutes auparavant. Les villages, les bois, les bêtes à cornes, les moutons, tout était calciné, tout était mort. Ils marchaient sur un immense rocher noir. Devant ce résultat effroyable, Théodore Fulbert s'était frotté les mains. Comment voulez-vous, avait-il dit, que quelque chose résiste à ma thermite? Elle explose à la température de 10 000 degrés. Avec ma thermite et ma titania, c'est la fin de la guerre. Et ce vieillard s'était pris à danser de joie comme un enfant sur les ruines fumantes qu'il avait faites. Mr. Cromer, pour rendre l'aspect dantesque, sous lequel lui était apparu ce coin à terre, sacrifié au génie de la destruction, avait trouvé des termes si évocateurs dans leur rugosité que ses auditeurs ne purent se défendre à nouveau de ce frisson qui devait correspondre avec une certaine idée qu'ils avaient, mais que Rouletabille n'était pas encore parvenu à préciser. En effet, on ne voyait encore rien dans tout cela qui menaça Paris. Le reporter devait être bientôt renseigné. Les quelques phrases suivantes, prononcées avec une émotion particulière par Mr. Cromer mirent définitivement Rouletabille sur la voie redoutable où il allait peut-être laisser son intelligence et ses os. Le soir même de cette terrible expérience, nous sommes revenus tous ensemble à l'Isle de Man, bien contents, en vérité. Et nous avons dîné et nous avons fêté les expériences avec le champagne. Oh, voilà quel lendemain matin. Théodore Fulbert n'était pas au rendez-vous avec moi dans les ateliers. Non, je pense qu'il est malade, le pauvre homme, à cause du champagne. Et je suis allé à sa petite maison de l'île de Man. Et j'ai trouvé son femme évanouie, attachée sur le lit, et la bouche bouchée avec le mouchoir. Et je n'ai pas trouvé Fulbert, ni Miss Fulbert, et je n'ai pas trouvé le Polonais fiancé non plus. Et dans le bureau particulier à Fulbert, je n'ai pas trouvé non plus les plans originaux du Titania, ni aucun papier particulier à Fulbert. Tout il avait été emporté, déménagé pendant la nuit. Et les enquêtes a montré tout de suite que les Fritz avaient passé par là et avaient enlevé les trois personnages et raflé tous les plans et papiers dans une embarcation qui avait rejoint une submersible. Gouvernement aussitôt averti, amiraux, d'y donner des ordres sans destroyers en chasse contre le sous-marin. Mais le résultat, aucune. Nous étions stupidement volés. Yes, it's terrible.